Toujours à l'occasion de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, des séminaires et rendez-vous se sont déroulés au Nigeria, au Danemark et en Allemagne. Dans les salles, il y avait les portraits souriants du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Aux cérémonies, on prit part des personnalités et des habitants des pays précités. Les orateurs ont estimé Kim Jong-un de commandant prestigieux sans égal, doué de la qualité militaire peu commune parmi les commandants militaires de l'époque contemporaine. À la cérémonie tenue en Allemagne, a été adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.